savent comment je m'appelle. Ils savent comment je m'appelle. Ils savent comment je m'appelle. Ils savent comment je m'appelle. Ils savent comment je m'appelle. Ne t'inquiète pas, ma belle. Dis-moi où, à quelle heure. Pour les MC, je m'appelle. Je tournais dans le vide. Oh, pour le BT, j'ai mis le kit. Oh, j'ai brûlé ma peine dans le shit. Oh, je veux faire grimper les chiffres. Mais sont les incites quand tu te retrouves seul dans la cité à guetter ou à vendre le banc qui met des gifs. Oh, le truc qui t'endort le cerveau vite. Oh, je bande quand je suis sur une roue en moto. Ouais, je tente, j'essaie de faire kiffer les poteaux. Et je pense que trop sont partis trop tôt. Ouais, je pense. Je fais le boss, j'aime pas, tu me risques, je te balaye. Moi, je dose, je colle les faux, je vois à l'œil. Et je pense, je reste un petit bédé à son caraï. Moi et eux, c'est pas pareil. Je soucie mes corps, je fais noir, j'allume ma torche. Après, je m'attache, même plus au billet dans ma poche. J'ai des doubles faces, je fume, je me nique la gorge. Et encore, j'en passe, j'ai fait des boulettes dans le Porsche. En ce moment, ça va, non, non, pas terrible. La cagoule fait bander comme ma série. Je rappe son malade, tu peux qu'une bactérie. Ça fait 10 ans que je vis à l'une, là, je vais atterrir. J'ai des sons, je les sens, même pas, je les masterise. Je vais trop vite, j'ai plus de la potion comme ma série. T'es mat, Vicky, moi, j'aime trop les risques. L'équipe, sans ma beuh, je suis trop colérique. Je crois que ça m'imite. C'est sa limite. Vous faites les fadas. Ben maintenant je vous nique, je crois que ça m'imite, c'est sans limite. Vous faites les fadas, ben maintenant je vous nique. Plein d'ethniques, ils me font les voyous. Je dirais sur moi, je vais dans la match, je prends mon cric. Quand je rappe ce fort, tu peux entendre le tonnerre. Rageur, rageuse, allez niquer vos mères. Allez niquer vos mères, allez niquer vos mères. Rallume le mic, je suis prêt, vas-y. Je vais mettre des M6 sous mes Nike. Je sais bien, ça va bouger la zine. Pour mes guetteurs à la fuyo, mes computers dans le Clio. Si tu te prends, t'as du culot. Si tu ressors de joie, c'est le capot qui fait que t'as du culot. Y'a des motos dans le Kangoo. Y'a des potos, ils sont yambou. Mes potos, ils veulent prendre tout. Et le matin, on va faire un coup. J'vais niquer des mers, contrôler la zone comme Gennaro. Faut des billets verts, faut jouer le sévère, tu vois le scénario. En gros, j'peux faire chier dans CRS. J'vois des petits essayer de lever le CRF. J'vois la vie en rug, mes frérots, ça reste un rêve. Hein? J'ai des bungee, trafic de drogue avec l'arme d'un jean. Fuck les sangis, le site 3 qu'on l'a pas cramé avec sa veste en jean. J'fume trop ralenti, j'te mets dans des affaires pour pas un centime. T'étais gentil, mais quand tu fais le mec dans les coms, je l'avais senti. M'a bien chantier, j'ai perdu ton frère quand il était en chien. J'ai rien dit maintenant tiens, mets-toi ça dans le cul, arrête chanter maintenant viens. Toi arrête faire ancien, continue de faire le BDH et de rester un bon chien. Toi arrête faire ancien, continue de faire le BDH et de rester un bon chien. J'ai mal à me taire, à oublier ma cité. Alors le soir je me pose et je fume un peu de shit. Sur ma ronde je peux pas me perdre, poteau je t'ai quitté. T'as vu tu m'as zappé, tu mérites mieux. Mais qu'est-ce que tu t'imagines, je rappe comme une machine. Je crois que tu connais ma team, mon effet d'or et platine. Mais qu'est-ce que tu t'imagines, je rappe comme une machine. Je crois que tu connais ma team, mon effet d'or et platine. Mais qu'est-ce que tu t'imagines, je rappe comme une machine. J'crois que tu connais ma team, mon effet d'or et platine. Mais qu'est-ce que tu t'imagines, j'rappe comme une machine. J'crois que tu connais ma team, mon effet d'or et platine. Mais qu'est-ce que tu t'imagines, j'rappe comme une machine. J'crois que tu connais ma team, mon effet d'or et platine.